tu ne veux rien faire, faire des comas. Tu as des voisins que tu connais même pas. Votre petite rien, on ne vous y autorise pas. Dans tous les matins, le soleil se lèvera. Toi, tu ne veux rien faire, faire des comas. Tu as des voisins que tu connais même pas. Votre petite rien, on ne vous y autorise pas. Enfermé. Quand tu sortiras, tu rencontreras les gars. On s'attira de toi car tu seras toujours ton là.